بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication du livre de Cheikh. C'est le Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi avec les explications du Cheikh Ahmed al-Najmi de son livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. On est arrivé maintenant à un nouveau chapitre dans le livre et le chapitre c'est à propos de Nawaqid al-Islam. Et donc c'est traduit par Nawaqid al-Islam, c'est traduit souvent par les annulatifs de l'Islam. Donc c'est-à-dire les choses que si les choses qui sont faites par une personne, soit que ce soit des paroles ou des actions ou des croyances, hein, ou bien des doutes qui font que l'islam d'une personne est annulé et que la personne par conséquent sorte complètement de la religion musulmane à cause de ça. Et donc c'est très important de comprendre ce sujet et de bien comprendre les éléments qui sont mentionnés dans le but de justement protéger notre foi et de préserver notre croyance et de faire en sorte de rester dans l'islam et de mourir sur l'islam. Donc, une chose importante à ce sujet-là, c'est parce que malheureusement, certaines personnes, quand ils étudient ce sujet, c'est souvent pour essayer d'appliquer les règles en question sur d'autres personnes, ou bien pour essayer de déclarer d'autres personnes comme étant sorties de l'islam. Or, c'est pas le but, et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est surtout de se préserver soi-même en premier. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à se préserver lui-même et à préserver sa foi, eh bien, il risque gros dans l'au-delà. Donc, c'est de savoir que soi-même, justement, notre propre personne, on est sur la bonne voie et que notre islam n'est pas annulé par quelque chose qui peut causer l'annulation de l'islam. Et aussi, en même temps, de faire en sorte qu'on puisse expliquer et enseigner aux autres ces principes-là et de leur donner une éducation islamique qui est basée sur la compréhension des fondements de l'islam et non pas uniquement une affiliation ou une appartenance superficielle à la religion musulmane sans réellement comprendre ces principes fondamentaux. Qui sont les choses qui sont en réalité le cœur de ce qui détermine ou de ce qui fait qu'une personne est musulmane. D'accord? C'est pas seulement de se dire musulman, parce que c'est le cas de beaucoup de gens actuellement sur Terre qui se disent musulmans parce qu'ils sont nés dans des familles musulmanes, sans toutefois réellement connaître ou comprendre qu'est-ce que c'est la réalité de cette religion-là. Et par conséquent, parfois ils vont dire des choses, ils vont faire des choses, où ils vont croire en des choses qui sont en opposition totale avec les fondements de cette religion-là, et ils vont quitter l'islam parfois sans même s'en apercevoir ou sans même le réaliser. Ceci dit, on va lire maintenant les nawaqid en question. I'lam, le cheikh il dit, I'lam anna nawaqid al-islam ashra. Al-awwal, al-shirk fi ibadatillahi ta'ala. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله تعالى كمن يذبح للجن أو للقبر الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فذلك كفر إجماعا. Donc on va commencer à traduire ces deux-là, les deux premiers. Donc l'auteur, rahimahullah, il dit, sache que les annulatifs de l'islam sont de 10. On va voir les détails à ce sujet-là par la suite, les explications au sujet de chaque point. Le premier parmi les annulatifs de l'islam, c'est le shirk, le fait de d'associer avec Allah ou de donner à Allah des partenaires dans l'adoration. Donc ça représente le plus grand et le plus important des annulatifs de l'islam. Donc, si quelqu'un fait du shirk, il commet des actes d'idolâtrie, ou il a des croyances de shirk, ou il dit des paroles de shirk, ou il fait des actes de shirk, eh bien, ça vient annuler sa foi. Et les preuves de ça, c'est dans les versets que le cheikh a cités ici, le verset 48 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. » qu'on adore quoi que ce soit avec lui ou qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. Mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Et le verset suivant que le cheikh a cité, c'est un verset dans Surat Al-Ma'ida, le verset 72, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Innahu man yushrik billah » Donc certes, celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit certes le paradis, et sa destination finale sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y a point de secoureur. Et il donne comme exemple, par rapport aux actes de shirk que quelqu'un peut commettre, le fait de faire un sacrifice pour autre que Allah. Donc d'offrir un animal en le sacrifiant pour autre que Allah, par adoration pour autre que Allah. Ou de, comme par exemple, ceux qui égorgent des animaux, ou qui font des sacrifices pour les djinns, ou pour les tombes. Lorsqu'ils adorent les morts et ils offrent un culte aux morts. Parmi les nawaqid à l'islam, parmi les annulatifs de l'islam, il y a également, qu'on a mentionné, le fait d'établir un intermédiaire ou un intercesseur entre soi-même et Allah lorsqu'on invoque. Lorsqu'on fait un doua, et de leur demander, de demander à autre qu'Allah une intercession, et de mettre notre confiance sur autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est, selon le consensus, c'est considéré comme une forme de kofre. Le troisième annulatif, on va lire la suite. الثالث من لم يكفر المشركين. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Donc on va traduire ces annulatifs là, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc le troisième, c'est l'annulatif suivant, ça dit celui qui ne déclare pas mécréant les mushrikin, donc ceux qui sont des associateurs, des idolâtres, ou qui doutent en leur kofr, qui doutent en leur mécréance, ou qui approuve ou qui valide leur religion ou leur voie. Donc, la personne qui doute en leur mécréance ou qui ne les déclare pas, premièrement, il ne les déclare pas mécréants, il ne les déclare pas kuffars, ou il doute que ce soit des kuffars, ou il valide leur voie et leur croyance et leur religion. Alors ça, c'est des choses qui font partie aussi des annulatifs de l'islam. Et on va donner des exemples de ça aussi dans le char, qu'on va expliquer les détails de ça. Tout ça sont des points extrêmement important à comprendre, parce que sur chacun de ces points-là, il existe parfois des détails à clarifier et des ambiguïtés que certaines personnes peuvent avoir. Et quand on parle des ambiguïtés, ça peut être de différents types d'ambiguïtés, et ça peut être des ambiguïtés qui viennent parfois de la part des Khawarij, qui, eux, sont très rapides à faire le takfir, mais qui ne se basent pas sur des preuves ou qui ne se basent pas sur une compréhension correcte. Donc, ils font le takfir des gens sans comprendre les nawaqid ou sans comprendre leur réelle application. Et également, parfois, c'est de l'autre extrême, c'est-à-dire la part de certains qui sont sur la voie des soufis ou bien des murji'a et qui refusent de considérer quelque chose comme étant kofr ou shirk, alors que ces choses-là sont clairement des formes de kofr et de shirk. Hein, comme l'exemple de qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, le fait de faire du shirk dans l'adoration d'Allah, ou de prendre un intermédiaire entre soi-même et Allah dans l'adoration et dans les doigts, et ben pour certains, comme les soufis par exemple, et bien ça, pour eux, c'est pas du shirk. Eux, ils considèrent que ça, c'est correct, hein, d'invoquer des morts, de prier à des saints et d'adorer des saints. Ils pensent que ça, c'est normal. Ils disent que c'est pas du shirk. Hein? Donc, c'est important de comprendre chacun de ces points-là et de connaître les shubuhat reliés à chaque élément et de savoir comment répondre à ces ambiguïtés-là. Un autre point, le quatrième annulatif, الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. Donc, c'est-à-dire le quatrième annulatif de l'islam, et ça c'est un annulatif qui est extrêmement important à comprendre, surtout à notre époque, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, hein, et qu'on entend souvent. Et donc, qu'est-ce que c'est cet annulatif-là, le quatrième annulatif de l'islam? C'est que quiconque croit qu'une guidance ou qu'une voie peut être meilleure et plus parfaite, plus complète que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que le jugement d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou une règle ou une loi autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être meilleur que le sien, que ce qu'il a amené. Hein? Comme par exemple, et il donne comme exemple à ce sujet, celui qui donne préférence au jugement et à la loi des tawarites, c'est-à-dire de ceux qui, il y en a des diables ou des shayatines ou des kuffars ou des mushrikines, ils donnent préférence à leur jugement et à leur loi au-dessus de la loi d'Allah et de son messager, yani sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui fait ça, il est kafir. Celui qui fait ça, il est kafir. Ça, c'est le quatrième annulatif. Et à ce sujet-là, il y a d'autres détails qui se rajoutent, et des différents exemples, différents points qui peuvent être ajoutés. On va y revenir. Le cinquième annulatif, parmi les annulatifs de l'islam, le cheikh, il a mentionné celui-là, c'est quiconque déteste quoi que ce soit de ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené dans la religion. Même s'il le met en pratique, il a renié la foi, il a rejeté la foi. Donc ça, c'est très important aussi, que tu peux pas être musulman et détester quelque chose qui fait partie de l'islam, même si tu le fais et que tu le détestes dans ton cœur. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'y crois pas et tu l'as renié, d'accord? Donc c'est du kofr, c'est de la mécréance. Et on a mentionné par rapport à ça justement dans les conditions de la ilaha illallah, la condition de l'amour. Donc c'est une condition pour que quelqu'un soit musulman qu'il aime la ilaha illallah et qu'il aime tout ce qui est relié à la ilaha illallah et qui découle de la ilaha illallah. D'accord? Donc ça fait partie des choses très importantes aussi. Maintenant, le sixième. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. Donc le sixième annulatif, c'est le fait de se moquer de quoi que ce soit de ce qui fait partie de la religion du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou des récompenses qui ont été mentionnées, hein, par rapport à la religion dans l'au-delà, les récompenses que Allah a promis aux croyants dans l'au-delà, ou de se moquer des châtiments qui ont été mentionnés pour ceux qui contredisent les ordres d'Allah dans l'au-delà. Donc si quelqu'un se moque de ça, il a commis un acte de kofre. S'il se moque de quoi que ce soit, de ce qui fait partie de la religion, il a quitté la foi à cause de ça. Et la preuve à ce sujet-là, c'est dans le verset 65 et 66 dans Sourate At-Tawbah. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset-là ce qui signifie. Et si tu leur demandes pourquoi ils se moquent, eh bien, ils diront que nous ne faisions que discuter et jouer. On faisait que s'amuser. Dis, ô Muhammad, à ceux-là, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes renié la foi après avoir cru. Donc ça, c'est un verset très clair à ce sujet-là, et le contexte de la révélation de ce verset vient également rajouter de la lumière à propos de ce verset et clarifie sa signification. Et ça, on va y revenir plus loin dans le charh. Après le naqid numéro 7, as-sabi' as-sihr wa minhu as-sarf wal-'atf faman fa'alahu ورضي به كفر والدليل قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم نعم والثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Donc là, j'ai lu le naqid numéro 7 et le naqid numéro 8. Donc le septième, c'est la sorcellerie. La sorcellerie et la magie. Donc quiconque pratique de la sorcellerie... Et parmi les exemples de sorcellerie que le cheikh a mentionné, il a mentionné as-sarf wal-atf. Et as-sarf wal-atf, c'est des sorcelleries qui sont pratiquées soit pour ramener des gens ensemble ou pour détourner quelqu'un d'une personne. Comme par exemple, détourner un homme ou une femme de son époux ou de son épouse. Et al-atf, c'est pour rattacher deux personnes ou bien... rapprocher deux personnes qui sont éloignées l'une de l'autre. Donc d'utiliser de la sorcellerie de ce type-là ou n'importe quelle autre forme de sorcellerie, celui qui le fait, il est mécréant. Celui qui en est satisfait, il est mécréant. Et yani, même si par exemple, bon, ça on va expliquer après par la suite que c'est pas seulement donc celui qui fait la sorcellerie qui pratique la sorcellerie comme le sorcier, mais même la personne qui a recours au service d'un sorcier et qui est satisfait de ça, lui aussi, il a renié la foi. Et la preuve à ce sujet-là, c'est le cheikh a cité le verset 102 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie ils ne pourront faire de tort par celle-ci, c'est-à-dire par cette sorcellerie, à personne excepté par la permission d'Allah. Donc c'est pour rappeler que tout ce qui atteint une personne, même la sorcellerie, tout ça, ça fait partie du qadar. Et il dit, et ils apprennent ce qui leur fait du tort et non ce qui leur fait du bien. Et dans ce verset-là, il y a d'autres parties du verset qui mentionnent, par exemple, le kofr, comme par exemple, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit, « Innama nahnu fitnatun fala takfur. » Donc, nous sommes une épreuve, où nous sommes seulement une épreuve ou un test, alors ne renie pas la foi. Et dans le verset également, la partie dans laquelle Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans ce verset-là, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Donc celui qui pratique la sorcellerie ou qui a un lien avec la sorcellerie, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Naam. Et il y a d'autres éléments également, il y a d'autres preuves à ce sujet également aussi. le huitième naqid, c'est le fait de supporter les mouchriquins et donner son support et son aide aux mouchriquins contre les musulmans. Et la preuve à ce sujet-là, c'est le verset 51 que le cheikh a cité ici, dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, et quiconque les prend pour alliés, hein, quiconque d'entre vous les prend pour alliés, c'est-à-dire les koufars, les juifs et les chrétiens, ou n'importe quel parmi les koufars, alors il est un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc ça, ici, on va spécifier que quand Allah Azza wa Jal, il dit quiconque aide les mouchriquins contre les musulmans, hein, que ça fait partie des choses qui annulent l'islam. Bien entendu, c'est uniquement lorsque le musulman a aidé les mouchriquins contre des musulmans parce qu'il aime le shirk et le kufr et parce qu'il est d'accord avec leur religion et leur croyance et qu'il les supporte contre les musulmans à cause de leur croyance. À ce moment-là, oui, ça c'est quelque chose qui annule l'islam d'une personne. Mais si quelqu'un, yani, le fait, mais pour une autre raison, par exemple, si un groupe de musulmans fait partie des transgresseurs ou des injustes, hein, et qu'ils font du désordre et de la corruption sur terre, et qu'on les combat, hein, on les combat avec des mouchriquins et des koufars pour les arrêter, hein, pour les stopper de faire de l'injustice, ou pour les stopper de faire du désordre sur terre parce que ils font un tort et qu'on n'est pas capable de les arrêter tout seul, alors dans ce cas-là, ça ne fait pas partie de ce qui annule l'islam d'une personne, bien entendu, puisque l'intention qui est derrière le combat ici de ces musulmans-là n'est pas de les combattre à cause de leur islam ou parce qu'ils sont musulmans, mais bien entendu parce qu'ils font un crime. Et ça, c'est important de le comprendre parce que les Khawarij, ils ne font pas cette distinction-là et ils mettent tous les cas dans cette catégorie-là comme si c'était un annulatif de l'islam. Et à cause de ça, ils déclarent mécréants des pays musulmans. Donc ça, c'est important de comprendre ce point-là très bien. Et de toute façon, dans le charh, le cheikh Ahmed al-Najmi, il va l'expliquer. Il reste deux exemples d'annulatifs qui ont été mentionnés, le 9e et le 10e. At-tasi' man i'taqada anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj 'an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama wasi'a al-Khidr al-khuruj 'an shari'atihi 'an shari'ati Musa alayhi salam فهو كافر. والعاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فلا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. Donc ici, le cheikh, il explique comme 9e naqid, 9e annulatif, celui qui croit que certaines personnes ont le droit de sortir de la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il est permis à certaines personnes de sortir de la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il était permis ou comme il était permis à Khidr de sortir de la charia de Moussa. Alors celui qui croit ça, qui croit qu'il peut sortir de la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme Khidr n'était pas compris dans la charia par la charia de Moussa, alors il est mécréant. On va expliquer pourquoi, les détails avec les explications. Le 10e naqid, c'est yani le suivant, c'est-à-dire quiconque se détourne complètement de la religion d'Allah, il ne l'apprend pas, il ne l'applique pas. Alors cette personne, hein, elle a également renié la foi. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 22 dans Sourate Sajda, dans lequel Allah Azzawajal dit: Et qui est plus injuste que celui à qui on a rappelé les signes de son Seigneur, puis qui s'en détourne complètement? Certes, hein, nous nous vengerons des injustes, hein, des criminels. Nous nous vengerons des criminels. Et le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de différence dans tous ces annulatifs entre la personne qui le fait pour plaisanter ou la personne qui le fait sérieusement. Ou la personne qui, yani, donc c'est ça, la personne qui le fait pour plaisanter ou sérieusement, yani, il n'y a pas de différence. Même si quelqu'un il dit je plaisante, c'est pour rire, c'est pas sérieux. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de rigolos à notre époque et des gens qui se pensent drôles et ils veulent faire des blagues avec tout, même avec la religion d'Allah. Et donc, Cheikh, il dit, il n'y a pas de différence dans tous ces différents annulatifs entre la personne qui est sérieuse et celle qui plaisante. Et il dit, même la personne qui a peur, même la personne qui a peur, c'est pas une excuse pour elle de faire des actes de kofr ou des actes de shirk ou des paroles de shirk, excepté celui qui est sous la contrainte. Celui qui est sous la contrainte, à ce moment-là, il est excusé, hein? Et il dit, donc toutes ces choses-là, toutes ces formes d'annulatifs de l'islam sont extrêmement dangereux, hein? Et sont parmi les plus grands dangers pour un musulman. Et sont ces annulatifs qu'on a mentionnés sont ceux qui sont les plus courants. C'est ceux qui sont les plus courants et qu'on constate le plus souvent parmi les musulmans. Et donc, il est important pour le musulman de prendre des précautions vis-à-vis de ces annulatifs-là et aller de craindre, hein, de craindre pour sa propre personne de tomber dans ce genre d'annulatif. Hein, et on demande à Allah Azzawajal de nous préserver contre les éléments qui amène sa colère et son châtiment douloureux. Ensuite, donc maintenant on va lire les explications de ces annulatifs-là. Cheikh Ahmad al-Najmi, il explique, hein, ces annulatifs. Il faut savoir, comme le cheikh il le dit ici, que ces annulatifs-là sont tirés de l'explication du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Sauf que, comme d'autres ulama l'ont clarifié, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne les a pas tirés de sa propre tête, en voulant dire qu'il ne les a pas inventés lui-même. Hein? Les annulatifs de l'islam existent dans les écrits des savants de l'islam. Et si quelqu'un est familier avec les livres de fiqh, les livres de aqida, il retrouve dans ces livres-là, dans les écrits des salafs et des grands ulama, des clarification de ce qui est considéré comme un annulatif. Et il y a dans les livres des chapitres de Ar-Ridda, l'apostasie, dans les livres de fiqh des différents madahib, différents exemples de nawaqid qui sont mentionnés et clarifiés dans ces livres-là, ainsi que dans les livres de Aqidah également. Donc, ceci dit, le cheikh, il explique ici, il dit, cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, « قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أن نواقد الإسلام عشرة عشرة نواقد. » Et le cheikh, il dit, sache, hein, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, sache que les annulatifs de l'islam sont de 10 annulatifs. Et il y a une note de bas de page ici, à ce sujet. Et c'est important de lire cette notification ou bien cette note puisque il clarifie un point important ici. Il dit al-adad huna laysa lil-hasr. Fa nawaqid al-islam allati dhakaraha al-mu'allif 10 nawaqid wa an-nawaqid akthar min dhalik. Faqad dhakara al-ulama'u fi abwab ar-ridda wa hukm al-murtad anwa'an kathiratan مما قد يرتد به المسلم عن دينه ويحل دمه وماله. وقد ذكر المؤلف أخطرها وأعظمها وأكثرها وقوعا، وما اتفق العلماء عليه، نعوذ بالله من الردة بعد الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم على دينه. وذلك كما قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكرها، وكلها أي هذه العشرة تميزت عن البقية بأنها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذر ويخاف منها على نفسه، ونعوذ بالله من موجب ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فالردة تحصل بارتكاب ناقد من نواقد الإسلام، ونواقد الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام، وهي الردة بالقول، الردة بالفعل، الردة بالاعتقاد، والردة بالشك في شيء مما سبق. راجع للفائدة كتاب التوحيد للشيخ الفوزان. نعم، دونك ici l'explication est clarifiée et c'est important de l'expliquer. C'est que quand on dit qu'il y a 10 annulatifs, il ne faut pas penser que ce nombre est figé ou que c'est un nombre fixe. Au contraire, puisqu'il y en a beaucoup plus que ça. D'accord ? Et l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a mentionné 10 annulatifs, c'est uniquement pour mentionner les 10 les plus propagés, qu'on retrouve le plus. Hein, les 10 annulatifs qui sont le plus courants. Il dit parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a beaucoup plus que ça. Et il dit que les ulama ont mentionné ces annulatifs-là dans les chapitres de l'apostasie, dans les livres de fiqh et au sujet du verdict à propos de l'apostat aussi. Et ils ont mentionné les ulama dans ces chapitres-là, dans les livres, de nombreuses catégories qui peuvent faire en sorte qu'une personne apostasie de sa religion et quitte la foi et qui rendra sa vie licite ainsi que ses biens. Et le cheikh donc a mentionné ici les annulatifs qui sont les plus dangereux et qui se produisent le plus souvent, qu'on retrouve le plus souvent et qui sont le plus courants et sur lesquels les ulama sont tous d'accord. Parce qu'il peut y avoir des annulatifs sur lesquels parfois il va y avoir des divergences, tandis qu'il y a d'autres annulatifs sur lesquels les ulama sont tous d'accord, comme ceux que le cheikh a mentionnés. Le fait que certains innovateurs ne soient pas d'accord avec ces annulatifs-là ne représente pas une divergence, parce qu'on ne tient pas compte de la divergence des innovateurs dans l'islam. Leur divergence n'est pas calculée, d'accord ? Comme la divergence des Rafidah ou des gens de Soufia ou bien des gens d'égarement en général. Hein? Naam. Ensuite, le Cheikh il fait un dua ici, ils disent, on demande à Allah de nous préserver, de nous protéger de l'apostasie après avoir été musulman, et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous raffermir sur notre religion. Et comme le cheikh rahimahullah a mentionné par la suite que ces 10 annulatifs là yani ils sont différents des autres du fait qu'ils sont plus dangereux et qu'ils sont plus courants, donc le musulman il doit faire attention pour lui-même, vis-à-vis de ces annulatifs-là pour se préserver de la colère d'Allah et de son châtiment. Et il faut savoir également que l'apostasie peut se produire en commettant ou en faisant un de ces annulatifs-là. Et on peut les diviser en quatre catégories. La forme d'apostasie qui découle de la parole, donc des paroles d'apostasie, des actes d'apostasie, des croyances d'apostasie. Et une chose est importante à comprendre, c'est que la croyance, si quelqu'un a des croyances qui sont en contradiction avec les fondements de l'islam, c'est clair que la personne en question, elle sera mécréante, hein. Et dans l'au-delà, elle ira en enfer si elle meurt sur ces fausses croyances-là. Sauf que yani, personne ne va savoir qu'elle a ces fausses croyances-là, excepté si elle les prononce ou si elle agit en accord avec ces fausses croyances-là. Alors, à ce moment-là, on va savoir qu'il y a un problème dans ses croyances. Mais si la personne, par exemple, elle cache ses fausses croyances et qu'elle les garde dans son cœur et qu'elle agit selon l'islam en apparence, à ce moment-là, elle sera considérée comme un hypocrite, comme un munafiq, hein, comme les hypocrites qui renient l'islam dans leur cœur, mais en apparence se disent musulmans. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran au sujet des munafiqines qu'ils seront les gens qui seront le plus profond, qui seront dans les profondeurs les plus... les plus basses de l'enfer. Ensuite, il y a l'apostasie par le doute. C'est-à-dire que quelqu'un qui doute en quelque chose qui est établi par la révélation et par la foi, par le Coran et la Sunna. Donc, on n'a pas le droit de douter en islam de ces choses-là qui sont claires dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est des choses en lesquelles on n'a pas le droit de douter. Et Cheikh Al-Fawzan, il a un charh des Nawaqid al-Islam, et dans son livre Kitab al-Tawhid aussi, dans son charh de Kitab al-Tawhid, il parle aussi de ces annulatifs-là en détail. Ok, donc on va continuer maintenant avec l'explication de Cheikh Ahmed al-Najmi à propos du premier annulatif. Et le premier annulatif, c'est le shirk, on a mentionné déjà. Donc le cheikh il dit الأول الشرك في عبادة الله تعالى وقال تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر أقول يعني هذا الشيخ أحمد النجمي يقول أقول إن من كتابات ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النافعة نواقض الإسلام العشرة وإن مما ينبغي للمسلم أن يتأكد عليه أن يتعلم هذه النواقض حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر فأهم وأول وأخطر تلك النواقض هو الشرك بالله عز وجل والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنها قول الله عز وجل مخبرا عن عيسى عليه السلام أنه قال أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنها قوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إلى غير ذلك من الآيات الدالة أن الشرك لا يقبل معه عمل صالح ولا يغفر له سيئة حتى ولو كان من أقرب الناس إلى الله عز وجل ومن أعظمهم جاها عنده وأعلاهم مقاما عنده. فقد قال سبحانه وتعالى لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام بعد أن ذكر عددا منهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. Donc on va traduire ceci, après on continue inshallah. Donc le cheikh il dit la première, le premier annulatif parmi les annulatifs de l'islam, c'est le shirk dans l'adoration d'Allah. Donc si quelqu'un associe avec Allah en offrant une forme quelconque d'adoration à autre que Allah, donc il a commis le shirk, et ça c'est quelque chose qui le fait sortir de la foi et de l'islam. Et il mentionne comme preuve à ce sujet-là le verset 48 dans Sourate An-Nisa qu'on a mentionné déjà, qui signifie donc que quiconque, yani certes Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne à tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Et l'autre verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 72, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: certes, celui qui fait le shirk avec Allah, Allah va certes lui interdire le paradis, et sa destination finale sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Et il a mentionné à ce sujet-là l'exemple de celui qui fait des sacrifices pour autre que Allah, comme celui qui égorge un animal pour le djinn ou pour les tombes. Ensuite, le cheikh il explique, Nasheikh Ahmed al-Najmi, il dit: je dis à ce sujet que les livres, parmi les livres et les écrits de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui sont bénéfiques, il y a le livre sur les annulatifs, les 10 annulatifs de l'islam. Et il dit que le musulman doit apprendre ces 10 annulatifs-là. Et ça fait partie des choses qui sont importantes pour lui. C'est quelque chose qui est nécessaire pour lui de les étudier et de les apprendre pour éviter de tomber dedans, sans qu'il ne sache ou sans qu'il ne se rende compte. Et la plus dangereuse, ou le plus dangereux de ces annulatifs, il y a le shirk, le fait de faire le shirk avec Allah Azza wa Jal et d'adorer d'autres avec Allah. Et parmi les preuves à ce sujet-là, qui sont, il y a de nombreuses preuves dans le Coran et dans la Sunna, le Cheikh il a mentionné les deux versets qu'on a cités tout à l'heure, le verset 48 dans Sourate An-Nisa. Certes, quiconque, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Et le verset 72 dans Sourate Al-Ma'idah, dans lequel, en fait, Allah Azza wa Jal, il mentionne les paroles de Isa alayhi salam lorsqu'il s'adressait aux fils d'Israël, et il leur dit: ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Certes, quiconque fait le shirk avec Allah, eh bien certes Allah lui interdit le paradis, et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes aucun secoureur. Et il dit également parmi les preuves à ce sujet-là le verset 117 dans Surat Al-Mu'minun, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et quiconque invoque avec Allah une divinité autre, et bien sûr à son sujet il n'y a aucune preuve, et bien son jugement n'incombe qu'à Allah, il trouvera son jugement auprès de son Seigneur, et Allah ne donne pas, certes il ne donne pas le succès aux mécréants. Et et ainsi que d'autres parmi les versets, ainsi que d'autres parmi les versets à ce sujet-là. Ainsi que d'autres versets également sur ce sujet. Et donc le cheikh il explique. Ensuite, il dit que la personne qui commet du shirk ou qui fait du shirk, aucune action ne sera acceptée de lui. et aucun péché ne peut lui être pardonné s'il meurt sur le shirk. Même si cette personne fait partie des gens les plus rapprochés d'Allah et ceux qui ont un statut les plus élevés auprès d'Allah. La raison de ça, c'est parce que Allah Azza wa Jal, il mentionne même à ses prophètes dans le Coran, dans le verset 65 par exemple, dans Surat Az-Zumar, où Allah Azza wa Jal, il mentionne justement que certes, il a été révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi, que si vous faites du shirk, eh bien, vos œuvres seront annulées. Vos œuvres seront annulées et vous serez certes du nombre des perdants. Et donc, le cheikh explique que ça, c'est la preuve que si même les prophètes, Allah Azza wa Jal leur dit que s'ils font le shirk, leurs œuvres vont être vaines et qu'ils seront du nombre des perdants, eh bien ça s'applique à nous encore plus qu'à eux. Hein? Parce que eux, on sait que les prophètes sont protégés de ce genre de choses. D'accord? Donc, quiconque tomberait dans le shirk en dehors des prophètes, ce serait encore plus grave. Hein? Et le cheikh, il dit dans l'autre verset également, dans Surat Al-An'am, le verset 88, après avoir énuméré une longue liste de prophètes hein, et de messagers, Allah Azza wa Jal, il dit, ceci est la guidance d'Allah. Il guide par celle-ci qui il veut parmi ses serviteurs. Et s'ils avaient fait le shirk, eh bien Allah Azza wa Jal aurait rendu leurs œuvres, hein, tout ce qu'ils ont fait, il l'aurait rendu vain. Il l'aurait rendu vain. Donc tout ça pour dire ici que quiconque fait du shirk avec Allah, eh bien, ses œuvres seront vaines. Hein? C'est-à-dire que même s'il avait fait toutes les œuvres au monde, Allah ne va pas accepter rien de ce qu'il a fait hein, comme adoration. Au jour de la résurrection, à cause du shirk, parce que le shirk annule toutes les bonnes œuvres d'une personne. Il cite ensuite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allahu tabaraka wa ta'ala ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. Donc ce hadith c'est un hadith qudsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne hein, qui est rapporté selon Abi Huraira. Il dit que Allah Azza wa Jal a dit, certes, je me passe complètement d'associé. Hein? Je suis parmi les, ceux qui n'ont pas besoin d'associés. S'il y aurait des associés, moi, j'en aurais besoin d'aucune part. Et je n'ai besoin de rien. Hein? Je n'ai pas besoin de personne. Je n'ai pas besoin de partenaire. Je n'ai pas besoin d'associés. Et il dit, quiconque fait un acte dans lequel il me donne un partenaire, hein, et il associe dans cette action qu'il fait quelqu'un d'autre que moi, avec moi, eh bien, je le laisserai, lui, ainsi que ce avec quoi il m'a associé. Hein? C'est-à-dire que si un acte que quelqu'un a fait pour Allah, il y a une association de quelqu'un d'autre que Allah dans cet acte, hein, eh bien, cet acte-là, Allah Azza wa Jal, il n'en veut pas et il la laisse complètement à celui à qui Allah a été associé. En voulant dire que Allah Azza wa Jal, il n'accepte comme action de notre part que les actes qui sont purs hein, et qui sont faits avec ikhlas, avec pureté et sincérité, uniquement pour son visage et pour personne d'autre que lui. Ok, maintenant le cheikh Ahmed al-Najmi, il explique encore un peu plus. Il dit فهذه الأدلة كلها تدل على أن من أشرك بالله أحدا غيره شركا أكبر يدعوه من دون الله أو معه لجلب النفع أو دفع الضر معتقدا قدرته على ذلك فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإسلام ومن ذلك الذبح لغير الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم بعض فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم. فمن دعا الأموات واستغاث بهم أو ذبح أو نذر لهم أو ذبح للجن أو ذبح تلبية لطلب ساحر أو توجيهات كاهن أو من في حكمهما أو تقرب بنسك للقبر أو لصاحب القبر فإنه يعتبر قد أشرك شركا أكبر ويترتب عليه كفره بوحدانية الله عز وجل كفرا يخرجه من الملة. أي نعم. Donc ça c'est l'explication par rapport à qu'est-ce qu'on a lu des preuves qu'on a mentionnées. Et donc, le cheikh, il a mentionné il dit, toutes ces preuves qu'on a mentionnées indiquent que quiconque fait du shirk avec Allah, quiconque fait du shirk en associant quiconque avec Allah Azza wa Jal, eh bien, il a commis un acte shirk majeur en invoquant quelqu'un d'autre en dehors d'Allah ou avec Allah. En essayant de retirer quelque chose de bien de sa part ou de demander qu'un mal soit repoussé. Hein? Donc, celui qui demande à quelqu'un d'autre que Allah de ramener un bien ou de repousser un mal en croyant que quelqu'un en dehors d'Allah a la capacité de faire cela, alors certes, à ce moment-là, il est sorti de l'islam. Hein? Donc, si quelqu'un, par exemple, il prie à une tombe ou à un saint, ou à un prophète ou un ange ou un djinn, il lui demande quelque chose en dehors d'Allah, eh bien il a commis un acte de shirk majeur à ce moment-là. Et le cheikh, il explique ici à ce sujet-là, il dit, donc parmi les exemples à ce sujet-là, celui qui fait un sacrifice pour autre que Allah. Comme Allah Azza wa Jal a dit à son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans Sourate Al-An'am, le verset 162 à 165, il dit ce qui signifie, « Dis, ô Mohammed, certes, en vérité, ma salat, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. La sharika lahu, il n'a pas de partenaire, il n'a aucun partenaire et aucun associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier des musulmans. » Et il dit ensuite, « Dis au Mohammed, est-ce que je chercherai en dehors d'Allah un autre seigneur que lui Est-ce que je chercherai un autre seigneur que Allah, alors que c'est lui le seigneur de toutes choses ?» Et il dit ensuite, « Et nul n'acquiert le mal qu'à son détriment. » Personne ne portera le fardeau d'une autre personne, puis c'est vers votre Seigneur que sera votre retour, et il vous informera de ce sur quoi vous divergiez. Et c'est lui, Allah Azza wa Jal, qui a fait de vous des successeurs sur la terre, et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition, et aussi pardonneur et miséricordieux. Et donc, après avoir mentionné ces versets, il dit, donc, quiconque invoque les morts ou prie à des morts et demande le secours des morts ou fait un sacrifice ou un vœu pieux pour les morts ou fait un sacrifice pour les djinns ou fait un sacrifice à la demande d'un sorcier ou sous les instructions d'un voyant ou d'un médium ou d'un hein, d'un devin ou des choses de ce genre, hein, ou toute personne dans cette catégorie de personnes, hein, qui lui demande de faire un sacrifice pour telle ou telle chose, eh bien, s'il fait ça, eh bien, ça, c'est considéré comme étant du kofr. De même que la personne qui fait un sacrifice dans le but de se rapprocher, hein, d'une tombe ou de la personne qui est dans cette tombe, eh bien, tout ça, c'est considéré comme des formes de shirk majeur. Et parmi les conséquences de ça, bien entendu, il y a le fait que la personne a commis un acte de kofr, hein, par rapport à l'unicité d'Allah. Et c'est un kofr qui fait que la personne sort complètement de la religion d'Allah. Hein? Donc ça, c'est extrêmement grave et extrêmement sérieux. Donc c'est important de le comprendre. Donc on a expliqué maintenant ce premier naqid parmi les nawaqid. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, actuellement, je suis pas à Montréal, donc c'est pour cette raison que vous entendez beaucoup de bruit en arrière. C'est parce que je suis en dehors de Montréal en ce moment, je suis en visite chez de la famille. Donc, j'en profite quand même pour faire les durous. Donc, c'est ça. Donc, on va se voir la semaine prochaine, on va continuer la suite et probablement que la prochain cours ce sera beaucoup plus calme parce que là les enfants sont en train de jouer en ce moment. Donc alhamdoulillah. Il y aura le cours plus tard après le maghrib, on va faire le cours de pardon, il y aura le cours de Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin. Après le maghrib, inshallah. On s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.